Chapitre 13. On espérait recevoir une lettre de Mr. Bennet le lendemain, mais la poste arriva sans apporter une seule ligne de lui. Ses enfants le connaissaient pour être un correspondant fort négligent et fort paresseux, mais ils avaient espéré que dans cette occasion il serait plus exact. On conclut de son silence qu'il n'avait point de bonnes nouvelles à donner. Mr. Gardiner avait attendu l'arrivée du courrier avant de se mettre en route, et voyant qu'il n'apportait point de lettre, il partit pour Londres où il était bien sûr alors d'être constamment informé de tout ce qui arriverait. Il promit de faire tout ce qu'il pourrait pour engager Mr. Bennet à retourner à Langbourne, afin de calmer sa femme, qui craignait toujours, quoi qu'on pût lui dire, qu'il ne fût tué en duel. Mrs. Gardiner et ses enfants devaient passer encore quelques jours à Langbourne. Elle partageait les soins qu'il fallait prodiguer à Mrs. Bennet, et procurait à ses filles quelques distractions dans les moments de calme. Mrs. Phillips venait aussi les voir souvent, dans l'intention, disait-elle, de leur donner du courage et de les amuser, mais comme elle avait toujours quelque chose de nouveau à raconter sur la folie et l'extravagance de Wickham, elle s'en allait rarement sans les laisser encore plus abattus qu'elle ne les avait trouvés. Toute la ville de Meryton semblait prendre plaisir à accuser et à condamner l'homme que, 3 mois auparavant, elle regardait comme un ange descendu du ciel. On prétendait qu'il devait à tous les marchands, que ses intrigues, qu'on honorait du nom de séduction, s'étendaient jusque dans toutes les familles de la classe marchande. Chacun disait ouvertement que c'était le jeune homme le plus dépravé du monde et que sa fin de douceur ne les avait point trompés. Quoique Elisabeth n'admît pas tout ce qu'on disait sur son compte, elle en savait assez pour considérer le déshonneur de sa sœur comme certain. Jane, à qui il était encore bien plus difficile de persuader le mal, commençait à perdre toute espérance. En effet, s'ils avaient été en Écosse, comme elle avait persisté à le croire, on aurait dû en recevoir déjà quelques nouvelles. Mr. Gardiner avait quitté Langbourne le dimanche, et le mardi sa femme reçut une lettre de lui qui disait qu'il avait trouvé Mr. Bennet et qu'il l'avait engagé à venir demeurer chez lui. Il ajoutait qu'il avait déjà été à Epsom et à Clapham sans pouvoir obtenir aucun renseignement, et que maintenant il était décidé à aller s'informer dans tous les hôtels de la ville, pensant que les fugitifs devaient avoir passé quelque temps dans un hôtel avant de s'être procuré un autre logement. Il ajoutait que Mr. Bennet ne paraissait point disposé à quitter Londres dans ce moment, promettait d'écrire bientôt et terminait sa lettre par le post-scriptum suivant. J'écris au colonel Forster pour lui demander de chercher à découvrir, par le moyen de quelques-uns des jeunes gens du régiment qui sont liés avec Wickham, s'il n'a pas des parents ou des amis dans Londres chez lesquels il ait pu aller se cacher. Si nous pouvions avoir des données là-dessus, elles nous seraient de la plus grande utilité, car nous n'avons rien pour nous guider. Je crois que le colonel Forster fera tout ce qui lui sera possible pour nous obliger, mais je réfléchis que Lizzie pourra peut-être mieux qu'aucun autre nous donner quelques éclaircissements là-dessus. Elisabeth vit bien d'où venait cette confiance en elle, mais elle ne put pas la justifier. Elle n'avait jamais entendu dire que Wickham eût d'autres parents que son père et sa mère, qui était mort depuis plusieurs années. Cependant, il était possible que quelques-uns de ses camarades fussent en état de donner plus de renseignements qu'elle. Chaque jour était à Langbourne un jour d'anxiété, et le moment le plus fâcheux était celui où l'on attendait les lettres. Enfin, il en arriva une, mais elle était pour Mr. Bennet et venait de Mr. Collins. Jane, d'après les ordres qu'elle avait reçus de son père d'ouvrir tout ce qui arriverait à son adresse pendant son absence, la lut. Et Elisabeth, qui se souvenait combien les lettres de son cousin étaient bizarres, suivait des yeux par-dessus l'épaule de sa sœur. « Mon cher monsieur, je suis appelé par les liens qui m'unissent à votre famille, ainsi que par ma vocation, à venir m'affliger avec vous du malheur qui vous est arrivé, et que nous avons appris hier par une lettre du Hertfordshire. Soyez persuadé, monsieur et chers parents, que Mrs. Collins et moi sympathisons vivement avec vous et votre respectable famille, et que nous partageons votre douleur actuelle, qui doit être de l'espèce la plus amère, puisqu'elle vient d'une cause que le temps ne saurait atténuer. Je ne saurais trouver aucun argument qui puisse adoucir votre peine, dans une circonstance qui doit être plus affligeante que tout autre pour le cœur d'un père. La mort de votre fille aurait été une bénédiction en comparaison de ceci, et l'on doit s'affliger d'autant plus que, d'après ce que me dit ma chère Charlotte, on a des raisons de supposer que cette excessive dissolution de votre fille est due à une indulgence fort mal entendue. mais je puis vous assurer, pour votre consolation et celle de Mrs. Bennet, que je suis porté à croire qu'il fallait que ses dispositions naturelles fussent fort mauvaises, car autrement, si jeune, elle aurait été incapable d'une conduite aussi condamnable. Quoi qu'il en soit, vous êtes digne de pitié. C'est une opinion que je partage, non seulement avec Mrs. Collins, mais encore avec Lady Catherine et sa fille, à qui j'ai raconté toute l'affaire. Elles craignent comme moi que cette fausse démarche d'une de vos filles ne soit très fâcheuse pour le sort des autres. Car comme le dit Lady Catherine elle-même, qui voudra maintenant s'allier avec une telle famille? Cette considération me fait réfléchir avec encore plus de satisfaction à un certain événement du mois de novembre dernier. S'il avait tourné différemment, j'aurais été aussi enveloppé dans votre chagrin et dans votre malheur. Permettez-moi donc, mon cher monsieur, en vous exhortant à vous résigner et à vous consoler, de vous conseiller aussi de rejeter de votre sein votre indigne enfant et de lui laisser recueillir les fruits de son infâme conduite. Je suis, mon cher monsieur, etc. » Mr. Gardiner ne réécrivit à Longbourn que lorsqu'il eut reçu la réponse du colonel Forster. Il n'avait rien de consolant à dire. On ne connaissait pas à Wickham un seul parent avec lequel il eût conservé quelques relations. Et il paraissait bien positif qu'il n'en avait point de bien proche. Il avait eu autrefois de nombreuses connaissances, mais depuis qu'il était dans le militaire, on ne croyait pas qu'il les eût conservées. Ainsi donc, il n'y avait personne qui pût donner de ses nouvelles. Outre la crainte qu'il devait avoir des parents de Lydie, le mauvais état où étaient ses finances devait l'engager à garder un profond secret sur le lieu de sa retraite, car on venait de découvrir que ses dettes de jeu se montaient à une somme considérable. Le colonel Forster pensait qu'il faudrait plus de 1000 livres pour payer ce qu'il devait à Brighton aux gens de la ville. Mais ses dettes d'honneur étaient encore plus fortes. Mr. Gardiner n'avait pas jugé convenable de cacher tous ces détails à la famille de Lydie, et Jane les entendit avec horreur. Qui aurait pu s'attendre à ce que ce fût un joueur? S'écria-t-elle. Mr. Gardiner ajoutait que ses nièces pouvaient espérer de revoir leur père le lendemain. Découragé par le mauvais succès de ses recherches, il avait cédé aux instances de son beau-frère pour retourner dans sa famille, et il le laissait chargé de continuer la poursuite des fugitifs. On s'empressa de donner cette bonne nouvelle à Mrs. Bennet, mais elle n'en éprouva pas autant de satisfaction que ses enfants l'avaient espéré, d'après les craintes qu'elle avait manifestées pour la vie de son mari. « Quoi ? » s'écria-t-elle. « Il revient sans la pauvre Lydie ? Oh, sûrement il ne quittera point Londres sans les avoir découverts. Qui pourrait se battre avec Wickham et le forcer à épouser Lydie s'il revenait ici ?» Mrs. Gardiner, désirant cependant retourner chez elle, partit avec ses enfants dans la voiture qui avait ramené Mr. Bennet, emportant avec elle le vif désir de connaître les rapports qui existaient entre Elizabeth et Mr. Darcy. Celle-ci n'avait jamais prononcé son nom depuis son retour du Derbyshire. Elle paraissait accablée, mais la fuite de Lydie était bien suffisante pour motiver sa tristesse. Mr. Bennet arriva avec son air calme et philosophe. Il parlait aussi peu que jamais. Il ne dit pas un mot de l'événement qui l'avait fait partir et qui occupait uniquement toute sa famille. Ce ne fut que dans l'après-dîner, lorsqu'il revint auprès de ses enfants pour prendre le thé, qu'Elisabeth osa enfin entamer ce sujet. Elle lui exprima brièvement le chagrin qu'elle avait éprouvé de ce qu'il avait eu à souffrir. « Ne parlez pas de cela, » lui répondit-il. « Qui doit souffrir ici si ce n'est moi? J'ai fait le mal, je dois le supporter sans me plaindre. Ne soyez pas si sévère envers vous-même, mon père. Il est si rare que la nature humaine avoue ses erreurs, Lizzie. Laissez-moi une fois dans ma vie reconnaître combien j'étais blâmable. Ne craignez pas que ce sentiment soit trop accablant. L'impression s'en évanouira peut-être bien vite. Croyez-vous, monsieur, que les fugitifs soient à Londres? Je le crois. Où pourraient-ils être si bien cachés? Et Lydie, qui avait toujours tant désiré aller à Londres, dit Kitty. Elle est donc contente à présent, reprit son père sèchement. Le séjour qu'elle y fera sera peut-être long. » Après quelques instants de silence, il reprit. « Lizzie, ne croyez pas que je vous en veuille pour avoir montré plus de jugement que moi dans la vie que vous m'avez donnée au mois de mai et que je n'ai pas suivie. » Ils furent interrompus par Jane, qui venait chercher du thé pour sa mère. « Ce que c'est que l'ostentation ? » s'écria-t-il. « Elle donne de l'élégance au malheur. » Je suis bien tenté d'aller m'établir dans ma bibliothèque avec ma robe de chambre et mon bonnet. Je m'affligerai là plus commodément. Mais non, pas encore. J'attendrai que Kitty s'enfuie. Je ne peux m'enfuir, s'écria Kitty avec humeur. Si je vais jamais à Brighton, je me conduirai bien différemment que Lydie. Vous, à Brighton, je n'oserais pas seulement vous envoyer à la distance de Lasbourne, quand on me donnerait 50 guinées. Non, Kitty. J'ai enfin appris à être prudent, et vous en verrez les effets. Désormais, aucun officier n'entrera dans ma maison, ni même ne traversera le village. Les balles vous seront absolument défendues, à moins qu'une de vos sœurs aînées veuille bien vous y accompagner. Et vous ne passerez plus le seuil de la porte que vous n'ayez été occupé raisonnablement au moins 10 minutes par jour. Kitty, qui prenait toutes ces menaces au pied de la lettre, commençait déjà à pleurer. « Allons, allons, dit-il, ne vous affligez pas trop. Si vous êtes une bonne fille, dans 10 ans, je vous mènerai à une revue. » Ainsi s'achève le tome 3 d'Orgueil et préjugés de Jane Austen.